Holiday Mix. Holiday Mix. Bienvenue dans Holiday Mix. Chaque semaine, retrouvez la sélection de Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Holiday Mix, le meilleur du clubbing. Les meilleures nouveautés dance floor. House. Electro. Tech House. Soulful. Nouvelles tendances. Les meilleurs mashups. Accroche-toi. C'est parti. C'est parti. Pour une heure 100% dance floor. 100% dance floor. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut et bienvenue, Holiday Mix, nouvelle édition avec aujourd'hui, comme chaque semaine, les meilleures nouveautés soulful, quelques nouveautés électro bien sûr. Vous aurez également l'occasion d'entendre un remix dubstep du Beat It de Michael Jackson. Et pour la première fois dans Holiday Mix, nous terminerons avec une session drum and bass. C'est justement avec un artiste qui s'est fait un nom dans la drum and bass que nous allons commencer aujourd'hui. Voici DJ Fresh avec son titre Hot Right Now, une version house. Signé Kamuki. Follow me, come show. Le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Listening to Monsieur Cortez's Soulful House Session. Holiday. Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. happiness will bring you down. So wonder you can make it through the day. Well, you can sleep, cause your problems are too deep, and there's always something getting in the way. When you turn on the evening news, mass confusion is the only thing you'll see. There's no question that we need a new direction, cause we all could use some peace and harmony. But you need a little change of heart, forget this fear and frustration. I will always play the greater part when your battles weigh you down. Here's my advice: when you're feeling down and out and you've got troubles on your mind, love will save the day. When you're feeling full of doubt and fear has got you in a bind, love will save the day. You have to do is say a prayer, love will save the day. There's an answer in your heart, so let your light shine on, my dear. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Dancefloor 100% clubbing avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. Jazz It Up, ça swing à donf, ça s'appelle de la Soulful Dutch Chicken Soul, Jazz It Up. Auparavant, vous avez pu entendre Richard Earnshaw avec sa reprise du titre de Whitney Houston, Love Will Save the Day, précédé par une autre reprise, le Mama Used to Say de Junior, revisité par Jerk House Connection. Autre reprise dans quelques instants, reprise de Nirvana avec Phil Gook, I'm So Happy, ce sera dans quelques minutes sur Holiday Mix. Mais dans l'immédiat, voici la galette, nouvelle galette de Dysfunction. Ça s'appelle galette, justement. Monsieur Cortez, in the mix. We'll be right back. écoute ça. In our days, 'cause I found God. Today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on peers, Sunday morning is every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Dance floor 100% clubbing avec Monsieur Cortez. Holiday Mix. We'll be right back. I can't be contained. You could try to hold the reins. I'll take your shoulders from your front. Wow. Tiger by the toe. If he holler, let him go. Make sure that he bring my dough. I can flow like H2O. By now y'all should probably know. Play the beat and watch me go. But let y'all know I'm bout my dough. Come on. Sur Holiday Mix. Holiday Mix. You better disappear. The fire's in the Attention, grosse déferlante d'énergie aujourd'hui dans l'idée mix. Nous avons passé à la vitesse supérieure, 175 battements minute pour ce bootleg signé DJ Schmolli, un Allemand qui s'est fait plaisir en détruisant de manière apocalyptique ce Beat It de Michael Jackson. Et juste avant, vous avez pu entendre le Healing and Feeling d'Armand van Helden, titre de 2009, mais ô combien intemporel. Et encore auparavant, c'était le Quasar de Hard Rock Sofa. Holiday Mix, pour les 20 minutes qui nous restent, nous allons nous offrir un petit voyage à travers les diverses tendances de la German Bass. Voici Tantrum Desire avec Smile. Smile on that face. We'll be right back. We'll be right back. Holiday Mix aux couleurs drum and bass aujourd'hui, le côté soft de la drum and bass avec ce titre de Medicine, Summer Drummer. Juste avant, c'était Orange avec leur reprise du Around the World des Daft Punk. Holiday Mix, c'est presque terminé, on va se quitter avec le côté soulful de la drum and bass. Voici les Brooks Brothers avec Tear You Down. Bye bye et à la semaine prochaine. She tears you down, down.